Il y en a marre de ces radios qui se disent rock. British Connection, au moins c'est rock and roll. Salut, c'est Bertrand Boire dans British Connection. On va parler de Liner Skinner, qui est un groupe sur lequel j'ai écrit un livre en 2017 aux éditions Le Mot et le Reste, qui a été réédité cette année. Alors, Liner Skinner, c'est un grand groupe américain, alors considéré comme l'un des chefs de file du rock sudiste, mais finalement un grand groupe de rock tout court. Qui a un des répertoires les plus solides, les plus impressionnants de sa génération, et qui a une histoire absolument dingue, qu'aucun scénariste ne pourrait imaginer, avec notamment l'accident d'avion qui a coûté la vie au chanteur Ronnie Van Zant et un des guitaristes Steve Gaines en 1977. Mais il y a eu bien d'autres épreuves et bien d'autres événements assez incroyables dans l'histoire de ce groupe. Alors, Liner Skinner, c'est un groupe qui se met en place au milieu des années 60 dans une ville du nord-est de la Floride qui s'appelle Jacksonville. Et ce sont les premiers membres du groupe. Les membres fondateurs, ce sont Ronnie Van Zant, donc le chanteur, Gary Rossington, guitare, Allen Collins à la guitare aussi, Bob Burns à la batterie, Larry John Strom à la basse, qui sera remplacé quelques années plus tard par Leon Wilkerson. Et tout ce petit monde va répéter sous la férule de Ronnie Van Zant, qui est vraiment un leader tenace, très opiniâtre et aussi très autoritaire, qui va leur insuffler une discipline sans laquelle peut-être le groupe n'aurait jamais pu atteindre l'excellence musicale qu'il caractérise. Hein. Ces morceaux, ce sont vraiment des petits bijoux d'arrangement, tout est impeccable, c'est vraiment millimétré. Alors, ils vont tourner pendant des années dans le sud-est des États-Unis, à tirer le diable par la queue, hein. Les rentrées d'argent sont faibles. Et ils n'ont pas de contrat d'enregistrement pendant très longtemps. Il va se passer presque 10 ans en fait entre la formation du groupe. Alors certes, les membres sont encore adolescents. Et leur premier album qui paraît en 73, ce qui est considérable hein, à titre de comparaison, les Allman Brothers, entre le moment où ils se forment et le moment où ils enregistrent leur premier album, il se passe quelques mois. Voilà, donc ils sont repérés à la fin de l'année 72 par le producteur Al Cooper, qui traîne dans un club d'Atlanta où le groupe se produit pour une semaine. Le club s'appelle le Funocchio's. Et Al Cooper est fasciné par ce groupe, par leurs chansons, par l'attitude du chanteur Ronnie Van Zant. Et lui veut fonder un label qui s'appelle Son of the Source. Et il va signer Liner Skinner sur son label. Donc Al Cooper comme une personnalité très importante du rock des années 60 hein, qui a joué sur Like a Rolling Stone de Bob Dylan, qui a joué avec Jimi Hendrix, etc. Et Al Cooper va passer un deal pour que son label soit distribué par MCA, et ce qui va nous donner l'inspiration des paroles du titre qu'on va écouter maintenant, qui s'appelle Working for MCA, qui ouvre le deuxième album de Liner Skinner et qui est vraiment une chanson assez hors du commun, je trouve, de par son attitude vraiment brava, charnieuse, pleine de défiance, et puis par le travail des guitares qui est quand même hallucinant, avec deux guitares jouées à l'unisson par Allen Collins et Gary Rossington, la guitare Dead King qui arrive là-dessus. Le morceau est un monument et va ouvrir tous les concerts du groupe pendant des années, des années et des années. Voilà, je vous propose d'écouter Working for MCA. Oh, Sex, No Drugs and British Connection. Alors, on continue notre histoire de Lynyrd Skynyrd. Le groupe enregistre enfin son premier album en 1973, qui est un album qui comporte 8 morceaux qui sont 8 classiques du groupe. Hein. C'est, à la limite, on peut se passer d'acheter un best-of et acheter cet album. Alors, c'est pas tout à fait vrai, évidemment. Mais il n'y a rien à jeter dessus. C'est l'album qu'on peut considérer comme fondateur du rock sudiste. Le rock sudiste qui va être ce mélange d'influences du British rock des années 60. Avec les musiques du sud des États-Unis. Alors le blues chez Lynyrd Skynyrd est un peu présent, mais pas tant que ça. Beaucoup moins par exemple que chez les Allman Brothers. La dimension country chez Lynyrd va se retrouver un petit peu dans les paroles du chanteur Ronnie Van Zant, dans certains de ses phrasés également, mais globalement on est quand même sur un Lynyrd, c'est quand même un groupe qui repose sur les riffs de guitare et des arrangements particulièrement chiadés et particulièrement intelligents. C'est à dire que c'est un groupe qui a 3 guitaristes et qui arrive à faire en sorte que leur guitare ne se marche jamais sur les pattes, en fait. Il y a vraiment un sens de l'économie de la retenue qui caractérise tous les guitaristes du groupe. Donc on est au milieu des années 70. Le guitariste californien dont je parlais un petit peu plus tôt, Ed King, va bientôt jeter l'éponge parce que l'un des problèmes du groupe, c'est que Ronnie Van Zant, c'est le visionnaire, le leader, mais c'est aussi un tyran. Et il fait pas trop de cadeaux à ses petits camarades, particulièrement quand il est un peu picolé. Donc il arrive qu'il leur... par exemple, le pianiste Billy Powell va avoir à plusieurs reprises les dents pétées par Ronnie. Voilà, donc tout ça... pèse un petit peu sur l'ambiance générale et ça va affecter Ed King qui va s'en aller après le deuxième album et qui va être remplacé un peu plus tard par Steve Gaines. Mais assez vite en fait, Lynyrd Skynyrd, à partir du moment où ils ont publié leurs albums, a connu un succès vraiment considérable. Alors c'est vrai, notamment avec leur chanson la plus connue qui s'appelle Sweet Home Alabama, qui paraît en 74. Bon, l'histoire est archi connue, hein, c'est une réponse à Nignon qui, dans Southern Man, quelques années plus tôt, critiquait le Sud et son héritage esclavagiste, etc. Et Ronnie Van Zant s'insurge contre ça. Voilà, affirme que le Sud, c'est pas que ça, que le Sud, il y a aussi une nouvelle génération dont eux font partie, qui a plus rien à voir avec cet héritage. Et donc voilà, c'est une réponse à ça. Le titre va cartonner, va passer sur les radios. Dans la foulée de ce succès, Freebird, qui est un autre morceau emblématique du groupe, qui est une ballade qui finit par un jaillissement de guitare pendant 4 minutes, 5 minutes, va aussi être diffusé massivement sur les ondes. Et le groupe, donc après le départ d'Ed King, se retrouve pour une période avec 2 guitaristes. Ils enregistrent à ce moment-là un album qui est un petit peu méconnu, qui s'appelle Give Me Back My Bullets. Et puis ensuite, un album très très très recommandable que moi j'aime beaucoup personnellement. Et ensuite donc il y a ce Steve Gaines qui va arriver, qui va réinsuffler une nouvelle énergie dans le groupe et qui va être vraiment très très influent sur le cinquième album du groupe qui s'appelle Street Survivors. Et alors Street Survivors, c'est un album qui va paraître quelques jours avant le fameux accident d'avion qui va coûter la vie à Ronnie Van Zant et à Steve Gaines, ainsi qu'à sa sœur, la choriste Cassie Gaines. Et ce qui est remarquable, enfin c'est en tout cas très troublant dans l'album Street Survivor, c'est qu'il comporte un morceau qui s'appelle That Smell, qu'on va bientôt écouter, dans lequel Ronnie Van Zant met en garde ses camarades du groupe, notamment Gary Washington et Allen Collins, qui mènent des vies un petit peu dissolues, qui ont eu tous les deux des accidents de bagnole, qui mettent leur vie en danger. Et dans cette chanson vraiment prémonitoire, Ronnie Van Zant s'alarme de cette odeur de mort qui rôde autour du groupe. Voilà, je vous propose d'écouter le morceau. British Connection. British Connection, just rock, just rock. Voilà, donc on vient d'écouter That Smell, qui est le dernier classique du groupe avant donc l'accident d'avion, qui va forcément mettre la carrière en plus qu'en pause. Hein. Le groupe considère qu'il ne rejouera jamais ensemble sous ce nom-là. Pourtant, très vite, Gary Washington, Alan Collins, les autres survivants, Leon Wilkerson, vont monter un groupe. Ça va être le Alan Collins Band. Et en 87, arrive le 10e anniversaire de l'accident pour lequel le groupe va accepter. Alors, c'est notamment Gary Washington qui est assez réticent à rejouer sous le nom de Lynyrd Skynyrd sans Ronnie Van Zant. Mais pour les 10 ans... De l'anniversaire, ils acceptent de refaire une tournée qui connaît un succès massif. Alors, Ronnie Van Zant est remplacé par son jeune frère, Johnny Van Zant. Et comme le succès est au rendez-vous, est au-delà de leurs espérances, et que quelque part, ça leur permet de surmonter cette tragédie immense et de redonner un petit peu du sens à leur vie, tout simplement. Cette réunion, qui devait être ponctuelle, va se prolonger. Le groupe va retourner en studio, va enregistrer plusieurs albums, va continuer de tourner. Et pour autant, les membres d'origine du groupe, les uns après les autres, vont partir. Et Gary Washington va longtemps demeurer le dernier aux commandes du groupe, jusqu'à son décès, hein, qui a eu lieu l'année dernière, en 2023. Et pour autant, Lynyrd Skynyrd continue toujours d'exister. Alors, on peut vraiment être avoir des réserves hein, sur cette pérennité tout de même très étonnante de la deuxième version du groupe hein, qui ne comporte plus un seul membre d'origine. Sur le plan musical, tous les albums qu'ils ont pu enregistrer après la reformation n'ont rien apporté vraiment à la légende du groupe. Loin de là, on peut même considérer qu'il y a une façon de s'auto-caricaturer, notamment Johnny Van Zandt écrit des paroles très, très médiocres par rapport à celles que pouvait faire son frère. En studio, je trouve que l'héritage du groupe a été un petit peu entaché par les années de reformation. En revanche, sur scène, ça reste toujours un groupe vraiment spectaculaire qui rejoue les anciens morceaux vraiment de façon impeccable. Donc voilà, on est en 2024, le groupe existe toujours. Et moi, j'ai dans la nouvelle version de mon livre, j'ai décidé d'inclure l'interview que j'ai réalisée avec Gary Washington en 2009. Et voilà, donc je vais finir là-dessus en racontant un petit peu ça. Je devais pas du tout interviewer Gary Washington en 2009. À l'époque, seul Johnny Van Zandt et le guitariste Rick Medlock devaient faire des interviews. Et le groupe était donc en tournée promotionnelle à Paris avant un concert au Zénith. Alors pour la petite histoire, Neil Young a joué la veille de leur prestation. Et donc le groupe faisait des interviews dans un hôtel à Paris. Et moi je discutais avec donc Johnny Van Zandt. Et à un moment j'aperçois Gary Washington venir vers notre table et poser ses mains sur les épaules de Johnny Van Zandt et s'adresser à moi en me disant « ne crois pas un mot de ce que raconte ce gars ». Bon, il déconne évidemment. Et puis donc je lui propose de parler un petit peu plus tard. Et puis il me dit oui ça pourrait se faire. Et puis il part. Et puis je me dis que de toute manière évidemment ça va pas se faire. Mais je reste un petit peu dans les parages. Et puis finalement le revoilà qui arrive un petit peu plus tard et qui accepte de s'asseoir en face de moi et qui a accepté de m'accorder une interview comme ça des beautés. Et voilà, donc comme la parole de Gary Washington était assez rare, j'ai décidé pour la version révisée, réactualisée de mon livre de la faire figurer en intégralité à la fin du livre. Et je vous propose d'écouter un ultime morceau de Lynyrd Skynyrd, alors qui est un des premiers morceaux en fait qu'ils ont enregistré. Qui est un morceau qui est paru sur un album posthume qui a été concocté après l'accident d'avion, qui est un album qui s'appelle First and Last. Et le morceau s'appelle Coming Home. C'est vraiment un morceau magnifique avec un solo très spectaculaire d'Alan Collins. Et voilà, je voulais terminer sur. Sur ce morceau un petit peu moins connu, mais il y a beaucoup de trésors dans la discographie de Lynyrd Skynyrd, particulièrement dans tout ce qu'ils ont pu faire dans les années 70. Et oui, un petit mot aussi pour finir sur l'étiquette du rock sudiste. Lynyrd Skynyrd, c'est juste un grand groupe de rock américain tout court. L'étiquette n'est pas si importante et c'est un groupe dont les chansons ont continué de merveilleusement vieillir. Hein. Elles sont totalement intemporelles. Il y a beaucoup de classiques du groupe qu'on peut entendre aujourd'hui avec toujours le même plaisir et qui ont conservé leur même fraîcheur. Voilà, je vous propose d'écouter Coming Home. Donc, merci. I'm merci à Bertrand Bouard de nous avoir parlé de son groupe fétiche, Lynyrd Skynyrd. Vous pouvez retrouver d'ailleurs son livre chez Le Mot et le Reste. Si la troisième partie et fin de cet album de la semaine, il s'appelle Stubborn Trees. Salut, c'est Yann Ellery du groupe Stubborn Trees. Le morceau Try Again parle de l'espoir que suscite chaque nouvelle journée. On projette souvent tout un tas de choses qu'on a envie de faire, on se sent motivé, et puis parfois, plus les heures passent et plus on se rend compte que ça va pas le faire. Et la nuit arrive, et là, c'est comme un reboot, tu recommences une nouvelle partie. Demain est un autre jour. Philippe, je sais où tu te caches. British Connect. British Connection. You rock. J'aime pas le rock. Philippe. À la radio. Tu es à présent sur British Connection. Hey, oh. Here we go. British Connection.